On cherche l'amour, on croit le trouver, puis on retombe de haut. On tente de jouer avec la vie pour se faire croire qu'on la maîtrise. On roule trop vite et on frôle l'accident. Ok, on prend trop de coke, on frôle l'overdose. Cela fait peur aux parents, des gènes de banquiers, de PDG, d'hommes d'affaires qui dégénèrent à ce point-là, c'est quand même incroyable. Il y en a qui essaient de faire quelque chose, d'autres qui déclarent forfait. Il y en a qui sont jamais là, qui disent jamais rien, mais qui signent l'échec à la fin du mois. Et on les déteste parce qu'ils donnent tant et si peu. Mais tant qu'on puisse se foutre en l'air, et si peu pour ce qui compte vraiment. Mais on finit de ne plus savoir ce qui compte vraiment justement. Les limites s'estompent et on est comme un électron libre dans une carte crédit à la place du cerveau, un aspirateur à la place du nez et rien à la place du cœur. Mais on va en boîte plus qu'on va en cours, et 200 numéros dans notre répertoire qu'on appelle jamais, non. Et puis qu'on le veuille ou non, on entend toujours quelque chose. Sinon on presserait la détente et puis on avalerait la plaquette de médoc et on appuierait sur la lame de rasoir jusqu'à ce que le sang gicle. Putain de son, ça. Ouais, putain de son. Ça, c'est de la musique, tu vois. Ouais. Super.